Le temps file déjà, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien et tout seigneur, tout honneur. On va y aller, si vous voulez bien, avec tout simplement le grand gagnant du Festival international de la chanson de Granby de cette année, Lord Byron, qui vient de la Saskatchewan, et oui. Et pour l'instant, on n'a qu'une chanson seulement, mais j'aimerais ça en avoir d'autres. Et peut-être qu'un album qui s'en vient, qui sait, on va mettre un homme là-dessus. Pour l'instant, c'est bien sûr la mère de la chanson qui a chanté à Granby, qui a remporté les grands honneurs. Donc, Lord Byron, la mère de ça s'en vient. Par la suite, on va s'en aller du côté du Yukon avec Sophie Villeneuve qui nous a sorti au début de l'année, il me semble, ça fait une secousse que j'ai ça, l'album Le Chant du Hibou. Et Sophie Villeneuve, c'est très intéressant, c'est de la musique pop-rock, folklorique, humoristique, engagé, tout ça fait que c'est un bon produit et bon, je ne sais pas quoi jouer, j'ai décidé de jouer le pantin parce qu'il y a de plusieurs bonnes pièces, la boîte vocale, il est temps de partir, c'est que des bonnes chansons sur cet album-là, donc je vais vous envoyer tout simplement le pantin de l'album Le Chant du Hibou. Et on va terminer notre premier bloc de musique de l'Ouest canadien avec un groupe qui, bon, je les connais depuis à peu près 18 mois. Mais je trouve qu'en 2018, on a vraiment entendu parler d'eux. C'est Jeremy and the Delicious Hound de Winnipeg. Et la pièce, on n'a fait que commencer. Et j'espère qu'il y a un album aussi qui s'en vient parce que c'est fort intéressant. Mais pour l'instant, voici La Merde, Lord Byron. Ouh! Chaque matin, je sors dehors, je fais des bricolages jusqu'à temps le ciel est noir. Pas temps à gaspiller, et je sais travailler, rêver son petit rêve et boire son petit café. Mais je suis dans la merde, toujours dans la merde. Pas d'argent pour manger, rien à faire que boire. Je suis dans la merde, toujours dans la merde. J'ai perdu mon tabac, qu'est-ce qu'on fait à soir? C'est à la vie, on fait une de ces maisons pour avoir une de ces familles. Pas de temps pour mes amis, j'oublie tous mes amis. Y'a un tiroir dans ma mémoire où je garde leurs esprits. Je fais du jardinage, je me rentre ça. Travailler les mains, ça me fait sans doute du bien. Quand on rentre à la maison, on chante la chanson, on boit le petit vin et le citron. Mais je suis dans la merde, toujours dans la merde. Pas d'argent pour manger et la faim de boire. Je suis dans la merde, toujours dans la merde. J'ai perdu mon tabac, qu'est-ce qu'on fait à ce. J'ai fini avec ces gestes, je ne suis pas comme tout le reste. Je parle un dialecte qui n'est pas de la poésie. Mais y'a de la poésie quand je rentre dans mon cœur. Je crois au Saint-Esprit et j'oublie tous mes douleurs. J'oublie tous mes douleurs. Et demain, texter.

y'a pas de plafond. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance. Jérémy de Delicious Hound, on a fait que commencer, très intéressant, funk, soul, qui brasse, qui est fun, donc à suivre bien sûr, j'espère qu'il y a un album qui s'en vient très très bientôt avec 8, 9, 10 chansons de ce style-là, belle énergie, bravo les boys. On va poursuivre avec Véro de la Saskatchewan, Véro qui, je ne me trompe pas, avait participé aussi à... à la compétition barbare de TFO il y a plusieurs années, avec entre autres Marie-Claude qui avait remporté. Véro, eh bien, c'est particulier comme univers, intéressant. Il y a des chansons plus rythmées, d'autres plus planantes. Très beau timbre de voix également, j'adore sa voix. Donc, je vais vous envoyer Miroir Noir, fort intéressant. On va entendre aussi Étienne Fletcher, Chéri Chéri. Je pense qu'il y a un album qui existe. On va essayer de mettre la main là-dessus, de mettre un homme là-dessus pour avoir l'album au complet. Étienne Fletcher, fort intéressant, aussi de la Saskatchewan, avec vraiment là, Chéri Chéri, c'est une bonne pièce énergique, bien le fun. Donc, on va terminer ça avec un peu de country, new country francophone de la région de Winnipeg. C'est une auteure-compositrice-interprète et qui connaît une bonne carrière anglophone, oui, mais qui a écrit quelques chansons en français ou traduit d'autres. Et My Boo, c'est justement une traduction d'une de ses chansons en anglais. Et moi, j'aimerais tellement qu'elle nous produise un album francophone avec au moins 7-8 chansons. J'adore son univers country, comme je dis, new country, fort intéressant, fort solide, bien dynamique, bien le fun. Très beau timbre de voix également. C'est vraiment merveilleux. On va l'entendre avec My Boo dans quelques instants, version francophone. Mais pour l'instant, voici tout simplement Véro, Miroir Noir. Ça vaut toujours la peine de te voir autrement. Une chose certaine, je peux plus faire semblant. Mais ça fait du bien quand je sais que t'es loin. Pour moi, c'est ce vieux chagrin dans le clair-obscur qui se pointe. Si je pouvais cacher ce qu'il y a en dedans, des fois dans ma tête, mon miroir intérieur me ferait du bien. Malgré qu'on le fait souvent, de se fendre en quatre pour une maudite job et un appartement qui est sale. Alors qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans? Rien qu'à sortir les poubelles puis à brûler mon encens. Si je faisais un tour chez le psychiatre, il trouverait peut-être façon de te faire peur. toutes ces réflexions qui pointent dans ma direction. Je veux les voir autrement. 'Cause you know this song is about you. Et tous ces regards mal perçus, serait-ce le miroir qui me jugeait pour ce qu'il avait vu? Dans la solitude de ma liberté, dans la certitude, ce visage hanté. Quand tu pars, le noir cherche son miroir. Ce n'est que quand tu pars que je replace le rempart contre le rideau clair. Le miroir cherche à te voir. Ce n'est que quand tu pars que je replace le rempart. J'ai pas besoin, je ne manque de rien. I'm going with the flow. Je dis merci pour tous mes amis. Bien entouré, le soleil éclaire tous nos matins. Avec toi à mon côté, ton beau sourire. Pieds plantés à terre,

Et bien sûr, en 2019, on s'enligne vers le 25e anniversaire de l'émission. Et ça me fera plaisir d'être là à chaque semaine, bien sûr, à vous offrir de l'excellente musique franco-canadienne. Je parle de thème parce qu'il faut se quitter et je veux vous dire une seule chose que je dis à chaque semaine, mais quand même, allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduit, ça c'est garanti. Sur ça, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine musicale à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!